Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Dansez maintenant sur Sorgia FM bien entendu. Et aujourd'hui, eh bien écoutez, on va continuer notre voyage à travers cet album qui vient de sortir, Les Passionnés de l'accordéon, présenté par Éric Bouvel et avec une multitude d'accordéonistes célèbres et non célèbres parce qu'il s'agit surtout de passionnés, donc pas forcément des professionnels. Il y en a quand même quelques-uns qu'on connaît, il faut le dire, parce que bah, ils font quand même un petit peu de balles, des choses comme ça, des animations un petit peu partout. Mais en tout cas, ce sont surtout des passionnés de l'accordéon et ça se ressent énormément dans ce CD. Je trouve qu'il y a de très très belles pépites à écouter et on va continuer donc à découvrir cet album aujourd'hui, donc Les Passionnés de l'accordéon, sorti chez Marianne Melody avec trois volumes, trois albums, trois CD dans ce CD qui existe aussi d'ailleurs en clé USB, sorti donc chez Marianne Melody comme je vous le disais. Vous trouvez le site sur internet bien sûr, marianne-melody.fr. Alors nous allons commencer aujourd'hui avec ce célèbre passodoble. Il est devenu célèbre ce passodoble composé par Éric Bouvel et interprété ici justement par Éric Bouvel et Hélène Terry. Il s'agit de El Rico, on écoute. Dansez maintenant. Thank you. Et on enchaîne avec la Java des As, interprétée ici par Jean-Claude Folny. Voici Françoise Joguin dans Bachata al Sol. Thank you. présente plus ce tango, ce célèbre tango Noche de Reyes. Et on enchaînera avec un petit brin de musette, ça va être sympa aussi ça. Et nous voici de retour pour cette spéciale Les passionnés de l'accordéon. Troisième partie de cette émission. Il y a tellement de titres à écouter que je me fais un plaisir de vous les présenter chaque semaine. On continue avec cette vacance tyrolienne, ces vacances tyroliennes, interprétées ici par Laurent Segui avec le petit coup de main toujours d'Éric Bouvel qui va donner donc, et qui présente d'ailleurs cet album, on ne dira jamais assez, qui l'a préparé. Il a fait jouer tous ses musiciens pour pouvoir faire un magnifique CD. Allez, on écoute Vacances tyroliennes. Dansez maintenant. C'était C'est pas les Javanaises, interprété par Christine Lorme. On continue avec le Madison, Sunny, Funny, Madison, Bérangère, Champin. Thank you. Dansez maintenant sur Sangia FM. Il était beau ce tango interprété par Bertrand Lancelevé, c'était le tango grandioso et voici maintenant le passo doble, le passo de Burgos interprété par la charmante Hélène Théry. FM, Hubert Ledent. Nous avons valsé au son du bal des amoureux interprété par Isabelle Royer. Voici maintenant notre haut-savoyard Julien Pou avec la Seine en bleu. FM. Écoutez tour à tour Estrella Bolero avec Yves Bracconi. Après, c'était El Capitan, interprété par Hélène Letondal et Eric Bouvel. Et on va continuer avec une valse célèbre. Vous connaissez tous son refrain. Il s'agit de Carillon d'Alsace. Ça commence avec quelques petites cloches que vous allez apprécier certainement. Carillon d'Alsace, on va valser, bien sûr. Sorgia FM. Sorgia. Eh bien, nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette émission avec Cavaquinho, interprété par Eric Ménégal. C'est notre ami Julien Poux qui va nous interpréter maintenant Comerro Tango. Je pense qu'on prononce comme ça ce joli tango. Allez, notre haut savoyard est au boulot. Thank you. maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledon. Alors là, je pense qu'il y a de l'accordéon électronique dans l'air avec cette célèbre valse de Vienne. Enfin, non, c'est devenu une valse de Vienne. Ça s'appelle d'ailleurs les valses de Vienne. Composée à l'origine et chantée par François Fellman. Et voici la version de Hélène Le Tondal. We'll be right back. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Nous venons d'écouter cette roulée, la roulée interprétée ici donc par Hélène Théry et Éric Bouvel. Ça annonce bien sûr la fin de cette émission puisqu'on va écouter encore un dernier morceau et pas des moindres. D'ailleurs, ça sera un super passodoble que je vous propose pour terminer cette émission et cette découverte de l'album Les Passionnés de l'accordéon avec des accordéonistes de toute la France amateurs mais qui font un travail de professionnel, on peut bien le dire. On écoutera certainement d'autres titres de ce CD dans des prochaines émissions. On se quitte avec le Passo des Guinguettes et je vous dis bien sûr à très très bientôt. Ciao, bye. Dansez bye maintenant. Thank you.